Exercice 7, page 100. Virelang. En un an, Nantes en invente tant. En un an, Nantes en invente tant. En un an, Nantes en invente tant.